Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Emma, comment tu vas ? Salut Laura, ça va très bien et toi ? Ça va bien aussi, merci. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode du Thé Féministe Podcast, on va parler de l'histoire du féminisme, de ses définitions et de ses mouvements. En effet, le féminisme n'est pas un bloc monolithique. On a plein de courants qui s'accordent, mais qui aussi s'opposent sur certains sujets. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as décidé d'aborder ce thème ? Bien sûr, mais d'abord, en avant-propos, je tenais à préciser certains points sur ce que, malheureusement, ce podcast ne pourra pas être. Très simplement, on n'aura pas clairement, d'abord, la possibilité d'être exhaustif sur le sujet, ne serait-ce pas que par le temps que ça nous prendrait. Ensuite, ce sera forcément une présentation pas scientifique, parce qu'elle est notamment historique et sociologique. Et ensuite, même si on essaiera d'être le plus objectif possible, cette présentation sera forcément empreinte de subjectivité, ne serait-ce que du fait de l'impact de mes privilèges et de ma formation de juriste. Ceci étant dit, on va d'abord aborder dans ce podcast les différentes définitions du terme féministe, ainsi que son étymologie. Et ensuite, on évoquera la question des vagues féministes d'une manière chronologique, puisque ces vagues viennent en réaction au contexte historique, sociologique, etc., qu'est le leur, mais aussi parce qu'elles viennent en réaction les unes par rapport aux autres. Pour commencer alors, quelle est l'étymologie du mot féminisme ? Alors, le terme féminisme vient du latin femina, qui veut dire féminin, femme, et le suffixe isme indique quant à lui une prise de position théorique ou pratique. Donc en résumé étymologiquement, le mot féminisme désigne une prise de position théorique ou pratique sur la question des femmes. Maintenant qu'on a déterminé l'étymologie, est-ce que tu peux nous dire à quand remontent les premières utilisations du terme et dans quel contexte ? Vraisemblablement, le premier usage du terme est attribué à Charles Fourier, qui était un philosophe de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui a démontré dans ses écrits que l'essence de l'émancipation des femmes fut ou serait d'annihiler leur subordination légale aux hommes en même temps que leur dépendance économique. Et en réalité, la première trace du néologisme se retrouve chez Alexandre Dumas, fils, dans un ouvrage intitulé « L'homme-femme ». Il emploie alors ce terme dans un sens négatif à la fois par défaut et d'une manière péjorative. Puisqu'il reprend en fait à son compte un terme médical qui désignait une pathologie affectant les hommes ou féminisant entre guillemets les hommes ayant des caractères sexuels physiques secondaires dits féminins. D'une manière plus positive, le féminisme aurait été défini pour la première fois par Hubertine Auclair de manière améliorative donc en 1882 comme la lutte pour améliorer la condition féminine. On arrive ainsi à une première définition du féminisme. À l'heure actuelle, en termes de définition, on en est où ? Désormais, ce qui est généralement accepté, c'est que l'ensemble des définitions du féminisme sont finalistes, c'est-à-dire qu'elles définissent le féminisme par son but, son objectif. Donc très simplement, en première lecture, le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre les femmes et les hommes. Et d'un point de vue plus social, on peut le définir comme un mouvement qui aurait pour objet l'émancipation des femmes, l'extension de leurs droits, ce, en vue d'égaliser, toujours en vue de la définition finaliste, en vue d'égaliser leur statut avec celui des hommes, notamment dans les domaines juridiques, politiques et économiques. Et d'un point de vue, cette fois plus militant, le féminisme peut être défini comme un mouvement pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Donc, pour résumer l'ensemble de ces définitions, on peut dire que le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politique, philosophique, sociale, qui partagent un but commun, celui de définir, d'établir, d'atteindre et de maintenir l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale, juridique entre les hommes et les femmes. Vaste programme. Ces définitions ont toutes en commun un même constat, l'inégalité entre les femmes et les hommes, et un même objectif, atteindre l'égalité. Toutefois, rien ne semble transparaître sur l'origine de cette inégalité et sur les moyens de la combattre. Tu nous parlais d'un ensemble de mouvements, et cela semble donc logique qu'une absence de feuille de route commune engendre des mouvements qui ne s'accordent pas toujours. Afin qu'on comprenne mieux l'origine de ces différents mouvements, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du féminisme dans l'histoire ? En fait, le discours féministe m'a mis forcément plusieurs siècles pour s'élaborer et s'afficher comme un mouvement social, si on peut dire, qui a revendiqué tout d'abord, et c'était le béaba, l'égalité civique et civile des femmes et des hommes, puis dans un second temps, qui a revendiqué, d'une manière générale, une libération des femmes du carcan patriarcal tel qu'il était ressenti par les militantes, par les femmes. Donc on peut dire que la doctrine s'accorde à diviser l'histoire du féminisme, si on peut dire, en trois périodes, pendant lesquelles certaines revendications sont plus mises en avant que d'autres. Et donc la première période débute au XIXe siècle. Attends, mais on n'a rien d'autre sur la condition des femmes avant le XIXe siècle ? Si, bien sûr, en réalité, le discours féministe, dans le sens qui interroge et critique la place des femmes dans la société, a existé depuis bien longtemps, de manière peut-être plus éparse et sans lien avec ces vagues. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner, s'il te plaît ? Oui, alors, sans encore une fois être que ce soit exhaustif, on peut citer dans la Grèce antique Sappho, qui était une poétesse grecque qui vivait sur l'île de Lesbos vers -600 avant Jésus-Christ. Elle revendiquait alors sur son île un monde sans hommes, et d'ailleurs de son nom sont nés les termes lesbienne et saphique, qui sont synonymes l'un avec l'autre, mais saphique désigne par ailleurs, pour l'anecdote aussi, un style de vers en poésie. On peut citer un peu plus tard Christine de Pisan au XIVe siècle, qui était poétesse elle aussi et philosophe, et qui a écrit pour défendre les femmes et imaginer l'égalité des sexes. D'ailleurs, Simone de Beauvoir l'a décrit comme la première femme à écrire sur ces sujets et à dénoncer la misogynie. Encore un peu plus tard, on peut citer Marie Astel au XVIIe siècle, qui s'est opposée à John Locke, qui prenait un système politique fondé sur les libertés individuelles tout en excluant les femmes. Elle a tenté de démontrer que son affirmation de l'infériorité des femmes n'était pas tenable philosophiquement. Et puis enfin, on peut citer Mary Wollstonecraft, qui était britannique, et qui, elle, a mis l'accent sur la nécessité d'éduquer les jeunes filles et a réclamé pour les femmes des droits civiques et politiques. Et elle est d'ailleurs parfois considérée comme la première femme philosophe féministe. On est donc au XVIIIe siècle. Lors de la Révolution française, qui voit la consécration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comment les femmes sont-elles prises en compte s'agissant des libertés individuelles ? Eh bien, les femmes bénéficient alors de certaines avancées. Entre autres, le mariage devient un contrat civil, ce qui permet l'égalité des contractants. Les héritiers et les héritières deviennent égaux en matière successorale. Et le droit au divorce également est accordé. Et je sens qu'il y a un mais dans cette histoire. C'est un peu trop beau, là. Il y a forcément un mais, puisque ce suffrage dit universel n'a d'universel que le nom. Puisqu'il ce suffrage est masculin, purement masculin. Les femmes n'ont donc toujours pas le droit de vote alors qu'elles ont participé à la Révolution française et qu'elles l'ont même initiée. Plus clairement encore, s'agissant des droits politiques, elles sont tout simplement ignorées à la grande indignation d'ailleurs d'Olympe de Gouges, qui a rédigé en 1791 sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En féminisant ce célèbre texte de la DDHC, en montrant que, encore une fois, que les femmes étaient complètement oubliées. Et d'ailleurs, on retiendra d'elle cette phrase célèbre « La femme a droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de droit de monter à la tribune ». Quand on regarde l'histoire des droits des femmes, on se rend compte que le siècle des Lumières et toute la période de la Renaissance, ça n'a pas été franchement favorable aux femmes, n'est-ce pas ? En effet, on voit vraiment à cette époque une misogynie profonde se développer. Tout est alors bon pour justifier la prétendue infériorité des femmes. L'Académie française va même jusqu'à supprimer le féminin de noms de métiers, comme philosophesse, autrice, mais vient encore plus à changer le genre de certains mots, comme le terme d'honneur, qui était initialement féminin, mais qui devient masculin, parce qu'évidemment, l'honneur ne pouvait être l'apanage des femmes. Et les choses ne s'arrangent pas du tout à l'arrivée du Premier Empire. Pas du tout, les choses se dégradent même considérablement, puisque Napoléon Ier annule toutes ses avancées. Pire encore, il inscrit dans le droit la soumission dite naturelle de l'épouse à son mari, dans le Code civil de 1804, et il fait par là des femmes des mineurs à vie, et donc des incapables juridiques. À cette époque, c'est l'affirmation du modèle bourgeois des sphères séparées. Autrement dit, l'espace public appartient au masculin et l'espace privé, enfin, est féminin. Et ces sphères, non seulement sont séparées, mais complètement asymétriques, à la fois dans leur ouverture et dans leur opportunité. Encore heureux, la première vague arrive et les choses vont un peu s'améliorer. Voilà, on peut dire que la première vague débute à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et cette première vague féministe répond à une volonté collective des femmes, à leur prise de conscience de leurs problématiques spécifiques et finalement à leur désir d'appartenir à une nouvelle société politique dont jusqu'alors elles ont été systématiquement exclues. Quelles sont les revendications de cette première vague ? Alors, les revendications de cette première vague sont surtout axées sur le suffrage, le béaba comme on disait tout à l'heure, puis l'éducation et l'amélioration des conditions de travail des femmes, puisqu'évidemment, les femmes n'ont alors pas le droit de vote, n'ont pas accès à la même éducation que les hommes, et, c'est encore le cas aujourd'hui, sont payées bien moins qu'eux. Alors sur l'éducation et le travail, quels sont les événements marquants de cette période ? On peut citer, après 1850, la création des écoles de filles, mais à côté de cela, on peut parler de grandes figures féministes, et notamment qui ont marqué le mouvement. D'abord Louise Michel, qui était une militante anarchiste et institutrice, secrétaire de la Société démocratique de moralisation, dont le but était d'aider les femmes par le travail. On peut également citer Madeleine Pelletier, qui a été la première femme médecine diplômée en psychiatrie. C'était une féministe radicale, en avant sur son temps, d'ailleurs, puisqu'elle militait déjà en faveur de l'avortement et de la contraception. Ça a été l'une des premières à parler du genre et à mettre en avant le fait que l'hétérosexualité obligatoire était finalement intimement liée au système d'oppression des femmes. Petite anecdote assez marrante, Madeleine Pelletier refusait de s'habiller comme une femme, entre guillemets, elle portait des pantalons, et ce sans demander l'autorisation de travestissement de l'époque, qu'il fallait demander à l'époque pour quand on était une femme et qu'on voulait porter des pantalons, et donc elle s'habillait comme un homme pour protester contre les vêtements genrés. Et aussi, petit point définition, le féminisme radical considère que la cause de l'inégalité entre les femmes et les hommes est constituée par le patriarcat. On vous disait plutôt voilà, que les mouvements étaient parfois différenciés par ce qu'ils considéraient être la cause de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Pour le féminisme radical, c'est le patriarcat. Et donc, on revient à nos moutons. S'agissant du droit de vote, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, s'agissant du droit de vote, il y a eu d'abord en Angleterre un mouvement emblématique qui a été celui des suffragettes. Finalement, après s'être rendu compte que demander poliment et manifester pacifiquement ne faisait pas avancer leurs droits, ces femmes, qui se sont fait appeler les suffragettes, ont pratiqué à partir de 1866 des actions violentes, notamment des insoudis volontaires et des grèves de la faim. Elles sont même allées jusqu'à molester certains parlementaires, et d'ailleurs, elles ont été en retour traitées de folles et violentées. Notamment par la police, n'est-ce pas ? Oui, à cette époque, les policiers les ont nourris de force pour les faire rompre leur grève de la faim. Mais heureusement, si je peux dire, la révélation de ces violences a eu un impact sur l'opinion publique qui a fini par prendre les suffragettes en sympathie. Finalement, en 1918, les femmes anglaises de plus de 30 ans ont obtenu le droit de vote. Et ce n'est qu'en 1928 que les femmes auront le droit de vote dès 21 ans, c'est-à-dire comme les hommes en Angleterre. Aux USA, parallèlement, les femmes blanches ont obtenu le droit de vote en 1920. Et en France, le processus a été un peu plus tardif, puisque les femmes de la métropole devront attendre 1944 pour obtenir le droit de vote. Et les femmes autochtones d'Algérie, en d'autres termes les non-européennes, elles ne l'obtiendront qu'en 1958. Comment s'explique ce décalage, enfin je devrais dire ces décalages, pour la France ? Bien, en fait, après la Première Guerre mondiale, le mouvement féministe en France s'est un peu essoufflé. Notamment, les femmes ont dû retourner au foyer pour assurer le repeuplement, et d'une certaine façon, ce qui était perçu comme un devoir national, c'est-à-dire ce devoir de repeuplement, a remplacé un temps les revendications féministes. D'accord. Donc, on est en 1944, les femmes blanches viennent d'obtenir le droit de vote. Quelle est la suite des événements ? Eh bien, on en arrive à la deuxième vague. Ça y est, deuxième vague, et celle-ci, comment elle se lance ? Eh bien, elle se lance grâce ou avec Simone de Beauvoir, qui publie alors le deuxième sexe, et développe la théorie de l'existentialisme. Elle explique finalement que la société construit en fait le genre féminin à partir du déterminisme biologique. Donc, les rôles de chaque sexe sont purement conditionnés, d'où le fameux « on n'est pas femme, on ne le devient ». Donc, selon Simone de Beauvoir, les différences entre les femmes et les hommes résultent d'une construction sociale. C'est une socialisation de genre, une manière de transmettre le genre et de l'apprendre via les institutions, c'est-à-dire l'école, la famille, les médias, mais également toutes les autres instances de socialisation plus généralement. Du coup, après Simone de Beauvoir, le genre, ça devient quoi ? Enfin, on s'est abandonné, c'est repris, c'est développé. Qu'est-ce qui se passe ? Mais le genre était au départ un concept psychologique, donc des sciences de psychologie, que les féministes se sont appropriées véritablement dans les années 70. Notamment au départ, Anne Auclay met en avant le fait que la masculinité et la féminité ne sont pas des substances naturelles propres à l'individu, mais véritablement des attributs psychologiques, culturels. Donc, dans ce premier temps, le genre est défini par rapport au sexe, en opposition par rapport au sexe, si je peux dire, le sexe pris dans le sens organes génitaux. On trouverait d'un côté le sexe, du côté de la nature, du biologique, et de l'autre le genre qui se situe au niveau de la culture et du social. Mais finalement, aujourd'hui, le concept a évolué, parce que les chercheuses et les chercheurs essayent de dépasser cette opposition nature-culture, après s'être rendu compte que la science projette aussi ses préjugés sur le réel et que le biologique est également empreinte sociale. Donc on a Simone de Beauvoir qui a appliqué l'existentialisme aux questions féministes, et donc elle lance ce mouvement, et à partir de l'existentialisme, désormais, quelles sont les revendications féministes ? Ben comme corollaire ou suite logique justement de l'existentialisme aussi, les revendications de la deuxième vague féministe portent principalement sur la lutte pour la maîtrise du corps des femmes via la contraception et le droit à l'avortement. Donc dans les années 60, il y a des groupes de parole de femmes qui se mettent en place aux États-Unis et qui parlent des problèmes de tous les jours, de leur image corporelle, de la contraception, de l'accès à l'avortement, des violences conjugales, et plus généralement de ce qu'on commence seulement alors à appeler le sexisme. D'ailleurs, le terme est apparu dans ces groupes de parole en 1965 avec Pauline Litt. Et au sein de ces groupes de parole, il y a une prise de conscience s'opère, qui est que les femmes se rendent compte finalement que la somme de leurs problèmes individuels communs forme un unique problème qui, lui, est politique. Et on en arrive à ce beau slogan « Le privé est politique » d'Ulrich Meinhof. Et désormais, tout est politique, tout ce qui implique des relations de pouvoir, le travail, l'école et même la maison, et donc le privé, sont politiques. Et face à ce constat, face à ce problème politique, une solution politique et collective s'impose. Les femmes doivent s'organiser pour mener une lutte contre le système patriarcal. Et ce qui implique notamment de revoir la définition du politique pour cesser d'en exclure les violences conjugales. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates clés pour la France, s'il te plaît ? Bien sûr, en France, tout d'abord en 1967, la pilule est légalisée. Les femmes ont enfin accès à une contraception. En 1968, le mouvement de libération des femmes voit le jour. En 1971, pour dénoncer l'avortement, un certain nombre de personnalités de l'époque déclarent publiquement avoir avorté en publiant le manifeste des 343 salopes dans le Nouvel Observateur. On compte parmi elles Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Françoise Sagan, mais également bien d'autres femmes. Et en 1971, le combat entre guillemets féministe continue avec le fameux procès de Bobigny, Condit de Bobigny, où l'avocat Gisèle Halimi a obtenu l'acquittement de Marie-Claire Chevalier, qui, 16 ans au moment des faits, avait été poursuivie pour avoir avorté alors qu'elle avait été victime d'un viol. Et dans leur motivation, les juges ont alors considéré qu'elle avait été soumise à des contraintes, entre guillemets, auxquelles elle avait été forcée de céder. Sauf que ce n'est qu'une semi-victoire, puisque l'avorteuse a été condamnée, elle, par contre. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la lutte continuera jusqu'en 1975, où la loi Veil, qui dépénalise définitivement, on l'espère, l'avortement, est enfin votée. Mais dans les faits, la lutte continue encore aujourd'hui, en 2019, puisque de nouveau, on voit un mouvement anti-avortement se faire de plus en plus fort, notamment aux États-Unis, mais également en France. On voit clairement une volonté de contrôler le corps des femmes, et une volonté exprimée par une partie de la société civile, mais également par une partie du corps médical. À ce sujet, on pense à nos sœurs de combat aux États-Unis, qui luttent pour protéger leurs droits durement acquis, alors qu'elles devraient lutter pour avancer sur le chemin de l'égalité. On pense aussi à toutes les autres femmes, toutes nos sœurs de combat dans le reste du monde qui se battent pour l'accès à l'avortement et pouvoir avoir le contrôle de leur corps. Petit rappel, en France, l'avortement peut être pratiqué jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le premier jour des dernières règles. Voilà, pour l'info. Et on vous rappelle aussi, allez sur les sites officiels. Faites très attention, il y a beaucoup de sites, de faux sites, des faux sites de désinformation sur l'IVG, donc vraiment allez sur les sites officiels du gouvernement, ce sera le meilleur moyen pour vous d'être bien informé. Et les plannings familiaux sont là pour vous aider également. Voilà, donc allez sur les sites officiels, c'est vraiment la seule source sûre d'information. Mais revenons aux vagues du féminisme. Oui, on en arrive donc à la troisième vague, qui a pris son essor déjà depuis dans les années 90-2000 et qui continue finalement encore aujourd'hui. Et cette troisième vague finalement insiste sur l'intersectionnalité ou l'addition des oppressions, même si ce terme d'intersectionnalité est assez lié au combat qui est lié aux femmes noires. Donc ce leitmotiv de cette troisième vague pourrait être « Tant qu'une femme est opprimée, aucune n'est libérée ». Et finalement, alors les questions féministes vont mettre l'accent sur les autres oppressions que vivent les femmes. Et en France, c'est vrai qu'en France, jusqu'alors, le féminisme des années 70 était pensé pour un type précis de femme, à savoir blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle. Donc la troisième vague, c'est l'avancée, entre autres, de l'afroféminisme en France. Ces questions d'intersection entre sexisme et racisme, comme je le disais, avaient été déjà pensées et mises en avant d'abord aux États-Unis avec le Black Feminism, mouvement pensé par et pour les femmes afro-américaines au vu de la singularité de leur expérience du sexisme, qui est finalement le produit des croisements du racisme et du sexisme. Elles ont été les premières à insister sur les intersections entre les différents rapports de domination, que ce soit liés au genre, à la race, au sens social, à la classe sociale, mais également à l'âge, au handicap ou encore à la sexualité. Et la réflexion sur le croisement de ces oppressions a donné naissance donc à cette intersectionnalité, le terme qui provient de Kim Grenshaw. Et Angela Davis est également une grande figure de ce mouvement. Du coup, ouais, en France, on ne dira pas nécessairement féminisme intersectionnel, puisque c'est plus pour les afro-féministes. Et vu que au thé féministe, on parle... On est des femmes noires, des femmes blanches, des femmes arabes, des femmes asiatiques, donc on a un peu de tout. On va parler de féminisme convergent chez nous. Donc bienvenue dans la vague du féminisme convergent. Et du coup, en France... l'afroféminisme, ça se traduit comment exactement? Enfin, même plus généralement, le féminisme à l'intersection du racisme et du sexisme, ça se traduit comment? Bah, par exemple, les femmes racisées pensent à un féminisme antiraciste, qui correspond donc à l'expression spécifique de leur oppression, celles qui leur sont propres. Et à côté des féministes islamiques, peuvent penser aussi leur libération. On a des témoignages en se réappropriant le Coran. Et comme dit précédemment, on a aussi l'afroféminisme porté par les femmes noires en France. D'une manière générale, ce féminisme devient, même s'il est inclusif, plus ciblé peut-être, plus lié à la spécificité des oppressions de chacune. D'accord. Et on va changer un peu de thème, parce qu'on va parler désormais de la sexualité. Puisqu'on a parlé donc des questions de sexisme généralement, on a parlé un peu de racisme. Parlons aussi de la sexualité, puisque c'est important comme mouvement également. Comment le féminisme a abordé cette question? En fait, la question de la sexualité a permis d'affiner finalement la notion de genre, puisque on s'est rendu compte que c'était le genre qui légitimait aujourd'hui les relations de pouvoir entre les sexes. Donc grâce au mouvement queer et LGBT+, on a cherché à déconstruire les rôles genrés et affirmer la légitimité de toute orientation sexuelle autre qu'hétéro, en plus évidemment que la relation est l'orientation sexuelle hétéro, avec notamment ce beau slogan « Nos désirs font des ordres ». Donc ce débat genre-sexualité porte sur l'articulation entre ces deux concepts. Et Judith Butler, notamment, avec son ouvrage « Troupe dans le genre », est une figure de proue de ce mouvement. Et son idée, de cette théorie, est de laisser s'épanouir la multitude des configurations identitaires possibles en matière de sexualité, d'orientation sexuelle et de genre. Donc, et en parallèle, les femmes queer aussi, au cours de cette troisième vague, luttent face à l'invisibilisation de la sexualité entre femmes, qui est bien trop souvent perçue au travers, via le cinéma notamment, au travers des fantasmes masculins. Oui, on se rappelle du fameux film « La vie d'Adèle ». Et on retombe de nouveau sur le male gaze, qui a été théorisé par Laura Mulvey, et on en avait parlé lors de notre premier podcast, les critères de beauté comme aliénation des femmes. Donc si vous voulez en savoir davantage, on vous renvoie à cette émission. Emma, une conclusion sur le féminisme ? Ben, quoi de mieux que des citations en guise de conclusion ? Donc d'abord une citation de Benoît de Groot, qui nous a indiqué que le féminisme n'a jamais tué personne, mais que le machisme tue tous les jours. Et évidemment, une citation de Simone de Beauvoir, notamment en vue de la situation actuelle, qui nous a dit de ne jamais oublier qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, et que ces droits ne sont jamais acquis, et que nous devrons rester vigilantes toute notre vie durant. Et faire un point sur notre histoire nous permet de nous rappeler que le chemin a été difficile, et d'où on vient. Merci Emma pour cet échange très intéressant, passionnant et très instructif. Merci Laura, ce fut un plaisir. Nous espérons que cette deuxième émission du TF Podcast vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du T féministe. On se retrouve le mois prochain.